Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le couple Hitler-Mussolini. Comment deux peuples entiers ont basculé dans une espèce de fascination à l'égard de deux personnages qui étaient finalement des médiocres. Et je vous avoue que ça reste une interrogation que de se dire comment il se fait que des millions d'hommes ont pu écouter et suivre ces deux personnages. Ces deux personnages dont parle l'historien et homme politique Max Gallo à l'émission « Appelez-moi Lise » en 1974 sont Hitler et Mussolini. L'histoire a retenu qu'Hitler et Mussolini ont fini par unir leurs destinées durant la Seconde Guerre mondiale, mais ce qu'on a un peu oublié avec le temps, c'est que le début de leur fréquentation a été pour le moins houleux. Tout commence l'été suivant, quand Hitler se rend en Italie pour rencontrer Mussolini à Venise. Hitler est impressionné par son grand aîné, son modèle. Il recherche l'accord de Mussolini à son projet d'annexion de l'Autriche. Mussolini refuse. Il ne veut pas d'une présence allemande à ses frontières. Il n'apprécie pas Hitler. Il dit « Ce type me fait l'effet d'un moine bavard. » Il lui fait visiter Venise en prenant soin de commencer par les navires de sa flotte de guerre, alors qu'Hitler n'a pas de marine. Hitler va rentrer à Berlin mortifié. Extrait de la série documentaire « Apocalypse » d'Isabelle Clark et Daniel Costel pour nous raconter cette relation complexe que vont entretenir Hitler et Mussolini. Je reçois Lucas Soleil, qui est doctorant en histoire à l'Université de Montréal. Lucas Soleil, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça nous enseigne, cette page d'histoire précise entourant cet axe durant la Seconde Guerre mondiale, cet axe Rome-Berlin, et plus précisément peut-être ce qui précède l'axe comme tel, la constitution de cet axe comme tel. Qu'est-ce que ça nous dit cet épisode entre et ce couple que vont former, que vont finir par former Hitler et Mussolini. C'est très intéressant de comprendre les relations entre Hitler et Mussolini, surtout avant leur alliance. Leur alliance est très bien connue après. Elle est présentée souvent dans l'histoire comme quelque chose d'inévitable pour la proximité idéologique des deux dictateurs. Tandis que, comme on vient d'entendre par les extraits, on avait des relations assez tendues au début entre Hitler et Mussolini, surtout par la position de Mussolini. Parce que l'Italie et l'Allemagne ne partageaient nécessairement les mêmes projets impérialistes, surtout en Europe. Donc, il faut comprendre comme il y a eu tout un parcours entre les relations entre Hitler et Mussolini qui a mené à cette alliance, mais que le parcours aboutit à cette solution, mais qui n'était pas la seule solution possible. Oui. C'est ça qui est intéressant, et c'est ce qu'on appelle en histoire, il y a cette expression, la contingence de l'histoire, c'est que parfois l'histoire prend un chemin que personne ne pouvait prévoir. Puis effectivement, cette relation-là commence très, très mal. Beaucoup de tensions, vous le dites, entre Mussolini et Hitler. Mais c'est un peu les circonstances qui font que l'axe va se concrétiser, mais tout ça aurait pu ne pas exister avec une autre expression anglaise en histoire qui est très connue, les fameux « what if ». Que se serait-il passé, Lucas Soleil? On peut se poser la question si la tension et l'antagonisme entre Hitler et Mussolini avaient eu raison de l'alliance entre les deux hommes. Absolument. On aurait eu une situation totalement différente, probablement avec un isolement d'Hitler en Europe, parce que les autres démocraties occidentales et l'Union soviétique ont essayé à plusieurs reprises d'amener Mussolini à leur côté pour former une alliance contre Hitler. Et Hitler avait besoin, tenait à cette alliance avec Mussolini. Absolument, parce qu'il savait que l'Italie, c'était l'autre pays qui remettait en question les traités de paix à la suite de la Première Guerre mondiale. Ouais. Et donc, il savait qu'une alliance avec Mussolini avait donné la possibilité pour l'Allemagne lentement de remettre en question les traités de Versailles et éventuellement de pousser son expansion vers l'Est, vers l'espace vital allemand. Alors, puisque c'est cette période qui précède cet axe, il y aura un premier axe officiel en 36, l'axe Rome-Berlin, puis il y aura un autre pacte qui va sceller le tout en 39. Mais puisque c'est ce qui précède 36 qui est particulièrement intéressant et qu'on a un peu oublié, commençons par là. Ça nous en dit beaucoup sur ce qui va suivre. D'abord, Hitler accède au pouvoir, il faut le rappeler, en 33. Mussolini, à ce moment-là, et ça fait partie de l'équation, est aux commandes de l'Italie depuis 1922. L'Italie est sous un régime fasciste depuis 1925. À ce moment-là, quand Hitler prend le pouvoir en 33, de quelle manière perçoit-il, qu'est-ce que Mussolini représente pour lui? Mussolini représente pour lui sa référence politique. Mussolini, pas seulement en 1933, mais pendant toutes les années avant la prise de pouvoir d'Hitler, Mussolini représente la possibilité de réussite de l'installation d'un régime fasciste dans un pays européen. Donc Mussolini est vu comme clairement une référence politique, une sorte de mythe, un nouveau César pour Hitler. Donc il y a beaucoup d'admiration et pendant cette année, il essaie toujours de chercher un contact, d'avoir une rencontre, un entretien avec Mussolini, mais cela n'arrive qu'en 1934. Ouais. Donc il y a une admiration très forte pour, surtout pour la mise en pratique du régime fasciste en Italie. Et ça, au fond, vous avez raison, c'est même avant qu'il prenne le pouvoir, dès le moment du putsch de Munich, le putsch raté, Hitler sait ce qu'il veut faire de l'Allemagne et regarde avec admiration ce que Mussolini est en train déjà de faire en Italie. Inversement, quand Hitler finit par accéder au pouvoir en Allemagne, de quelle manière le regarde Mussolini à ce moment-là? Déjà, Mussolini le regardait avant avec un peu de suspense parce qu'il faut dire que quand il y a la montée du Parti National Socialiste, il y a une petite période avant 1933 où il semble que le parti nazi perd un peu sa poussée vers le pouvoir parce qu'il voulait accéder par la voie légale au pouvoir Hitler. Et donc Mussolini en Italie regardait mal cet acte d'Hitler parce qu'il le voyait plutôt comme pas assez résolu à prendre le pouvoir, même avec des moyens non légaux comme il l'avait fait. Donc il y a déjà cette idée de Mussolini qui quitte le pouvoir, un peu de souplesse dans ses actions. Hitler est un faiblard pour lui. Ouais. Un faiblard, oui, qu'il attendait trop pour prendre le pouvoir. Et de plus, il y a tout clairement un parti qui est relatif à la personnalité d'Hitler qui ne plaît pas à Mussolini, pas du tout. Hitler est beaucoup plus introverti de Mussolini. Et il y a toute une façon de parler que Mussolini n'aime pas parce qu'il faisait des discours très très longs, Hitler sans arrêt. Donc il n'aimait pas, au début Mussolini aussi, les idées clairement antisémites qui étaient à l'intérieur du Mein Kampf. Parce que l'antisémitisme n'était pas la base du régime fasciste. Et donc, il y a comme une sorte de répulsion vers Hitler. Ouais. Une répulsion personnelle qui est très, très forte. Il n'aime pas, il le traite comme un fou. Là. Ouais. Et puis, évidemment, c'est un peu cliché de le dire, mais c'est le Nord et le Sud qui sont l'un devant l'autre. Hein. Ça fait partie aussi de leur différence. On dit aussi, je lisais en préparant le dossier, un type d'intelligence différent, Hitler. Une intelligence peut-être un peu plus intuitive, Mussolini... Déductive, une intelligence plus rationnelle, plus carrée. Absolument. La première rencontre, vous l'évoquiez, il faut dire d'abord qu'en 34 et 44, ils vont, Hitler et Mussolini, se rencontrer 18 fois. Parfois, ça va durer plusieurs jours. La première rencontre, c'est à Venise qu'elle a lieu et ça ne se passe pas très bien. Ça se passe en juin 1934. 14 juin 1934, aéroport de Venise, premier voyage d'Hitler hors de chez lui depuis 16 ans, à l'époque de la Grande Guerre où il s'était battu en France. Le lendemain, rendez-vous est pris au Lido. Il y est bien sûr question de la situation autrichienne. À voir la tête de l'Allemand, on se dit que les choses n'ont pas dû bien se passer. En effet, ce matin-là, Mussolini lui confirme sans façon son désir de voir l'Autriche rester indépendante. L'après-midi du même jour, place Saint-Marc, pavoisée aux seules couleurs italiennes, un joli petit défilé a été organisé. Mussolini, plus gonflé de son importance que jamais, n'a Dieu que pour sa belle jeunesse fasciste, au point d'ignorer complètement son hôte à l'allure de roncure. Mais peut-être aussi de lui signifier mieux encore ce jour-là qui est le maître et qui est l'élève. Décidément, dans la ville des amoureux, cette première photo de fiançailles au milieu des flonflons ne paraît guère engageante. Extrait du documentaire de Jean-Christophe Rosé, Hitler, Mussolini, l'opéra des assassins. Donc, première rencontre assez catastrophique, Lucas Soleil. Absolument, pour deux raisons fondamentales. Premièrement, et l'extrait l'a déjà mentionné, le désir de Mussolini de faire comprendre qui est la personnalité de référence pour le fascisme européen, donc qui est le maître. Donc c'est lui qui était capable d'amener le fascisme en Italie depuis 1922. Hitler, c'est comme l'élève qui était capable d'arriver au pouvoir seulement 11 ans après. Et donc Mussolini tient à faire savoir au monde qui est surtout la personnalité de référence dans le fascisme européen. Ça, les deux hommes ne sont pas à égalité. Non. Voilà. Et Hitler, on le voit, il était un peu perdu pendant cette rencontre. Il regardait à droite, à gauche. Il savait que Mussolini était en train de prendre toute la chaîne, de prendre vraiment toute la place à l'intérieur de cette rencontre-là. Deuxièmement, comme le mentionne aussi, est un problème qui est un problème beaucoup plus pragmatique qui, du côté impérialiste. L'effet que Mussolini, il avait du choix fondamental pour son expansion. Ou aller en Afrique, dans la Méditerranée, et donc devenir un rival de France et Grande-Bretagne, ou aller dans les Balkans et dans l'Europe danubienne et devenir donc un rival de l'Allemagne. Ouais. Et à ce point-là, le choix n'a pas encore été fait. Et donc c'est pour ça qu'il y a des tensions entre les deux dictateurs qui sont là, qui sont visibles. Et c'est pour ça que, ben voilà, que la question autrichienne est centrale. Absolument. Ouais. Ils ont une rencontre. Les chroniques de l'époque racontent comme le mot « Autriche » en allemand est sorti plusieurs fois pendant les rencontres et les deux dictateurs criaient à ce regard-là. Donc, il n'y avait aucun accord parce que Hitler voulait clairement procéder à l'unification clairement du peuple allemand et donc annexer l'Autriche, tandis que Mussolini, pour des raisons de sécurité, pour des raisons historiques, voulait que l'Autriche reste indépendante. Ouais. Donc, les tensions sont si grandes à Venise que, dès l'année suivante, en 1935, l'Italie de Mussolini va signer un accord avec la France et le Royaume-Uni à l'occasion de la conférence de Stresa. Cet accord prévoit ni plus ni moins, Lucas Soleil, que la mise en place d'un front commun contre le Troisième Reich d'Hitler. Que prévoit l'accord de Stresa et pourquoi Mussolini signe-t-il cet accord-là? Premièrement, parce que moi, seulement après les premières rencontres de Venise, Hitler essaye de prendre le pouvoir en Autriche. Donc il y a l'assassinat du chancelier autrichien Dollfuss, qui était bien vu par Mussolini. Et donc Mussolini est capable de donner un échec diplomatique à Hitler, parce qu'il rassemble trois divisions italiennes à la frontière sur le Brenner. Et donc Hitler a dû laisser tomber son plan de prendre possession de l'Autriche. Ouais. Donc clairement, les relations à ce point-là, à partir de 1934, juillet 1934, se détériorent. Donc Mussolini se rapproche progressivement à la France et à la Grande-Bretagne. Parce que la France et la Grande-Bretagne voient la possibilité d'amener Mussolini à l'intérieur d'une alliance possible. Et aussi, il y avait l'Union soviétique aussi qui poussait de ce côté. Donc, avant, il y a une première rencontre avec le ministre des Affaires étrangères Pierre Laval en 1935, qui va à mettre les bases pour cet accord de Stresa, qui va voir aussi la Grande-Bretagne comme pays à l'intérieur. Et donc Laval commence cette conversation avec Mussolini. Il part d'une possibilité de constituer cette front allemand. Il embarque la Grande-Bretagne. Et donc les trois puissances vont donner lieu aux accords de Stresa qui ne prévoyaient rien de précis au niveau de l'intervention contre l'Allemagne. Ouais. Mais ils prévoyaient que les trois pays se seront consultés avant de prendre des décisions inhérentes à la politique européenne. Et surtout, il affirme une autre fois l'indépendance de l'Autriche. Oui. Donc, le fait que l'Autriche doit rester un pays indépendant. Donc ça, c'est vraiment probablement le moment dans cette relation-là où on est au plus creux, là, où la tension est la plus grande. L'Italie qui se joint vraiment à la France et au Royaume-Uni contre cette Allemagne d'Hitler. L'année suivante, en 36, donc conférence de Stresa en 35, l'année suivante, en 36, Mussolini décide d'envahir l'Éthiopie. Ça va être crucial dans le rapprochement qui va suivre entre Mussolini et Hitler. Pourquoi? Pourquoi il décide d'entrer en Éthiopie et pourquoi c'est si important dans le basculement de Mussolini vers Hitler? Parce que, comme on disait avant, Mussolini avait deux voies pour son expansion impériale, ou l'Afrique, ou l'Europe danubienne et les Balkans. Donc, il voulait avoir des possessions en Afrique. Donc, il visait l'Abyssinie 1935, il visait l'Abyssinie par clairement avoir assez de... Qui est une grande région de l'Éthiopie. De l'Éthiopie, oui. Mais clairement, ça allait porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Éthiopie. Mais le problème, c'était que ni Grande-Bretagne ni France avaient abordé ce sujet qui était connu pendant clairement les accords de Stresa et pendant aussi les premières rencontres que Mussolini avait eues avec la France. De plus, Laval il avait dit à Mussolini qu'il pouvait avoir les mains libres en Afrique sans spécifier dans quelle façon. Et donc Mussolini, à ce point-là, il se trouve presque prêt à pouvoir intervenir et le fait assez tranquillement parce qu'il pense que ni France ni Grande-Bretagne vont prendre des décisions contraires à cette action. D'autant qu'il a vu et il voit ce qu'Hitler est en train de faire. Au fond, Hitler l'inspire aussi parce que Hitler gagne du terrain, remilitarise l'Allemagne, toutes choses qui contreviennent à l'accord de Versailles sans que... Donc, il n'y a aucune sanction par la Société des Nations qui avait le but et l'objectif de gérer les controversies entre les États qui étaient formés à la suite de la Première Guerre mondiale. Et donc, il laisse faire Hitler, les démocraties occidentales, France et Grande-Bretagne, mais une fois que Mussolini commence la conquête de l'Éthiopie, qui commence en 1935 et va s'aboutir seulement en 1936, ils vont voter des sanctions économiques contre Mussolini. Et ça va jouer de façon assez significative dans le fait que Mussolini va décider de se rapprocher d'Hitler. Il y aura aussi, puis on ne peut pas tout dire en 23 minutes, mais l'épisode de la guerre civile, évidemment, qui va rapprocher également Hitler et Mussolini, puisque à la fois l'Allemagne et l'Italie vont participer à cette guerre-là. Revenons sur l'isolement par les pays occidentaux, par les démocraties occidentales de Mussolini, ces sanctions dont vous parliez, et du poids que ça aura sur le fait qu'il va décider de se rapprocher de l'Allemagne hitlérienne. On en parle dans un instant, on écoute d'abord à ce sujet l'historien Pierre Milza à l'émission Le biographe et sa passion en décembre 2000. D'abord, il y a le fait qu'il est rejeté, qu'il est rejeté par les démocraties. C'est-à-dire que si on avait pu, je ne dis pas si on avait voulu, si on avait pu, c'était compliqué, donner à Mussolini ce qu'il réclamait, un certain nombre de territoires, notamment coloniaux. Mmh. Peut-être pouvait-on le faire basculer. Laval l'a cru en 1935. On l'a cru jusque à la conférence de Stresa en 1935. Il y a même eu un début d'alliance entre la France et l'Italie. On pouvait éviter cette dérive. Mais Hitler lui a su manœuvrer de face au moment de la guerre d'Éthiopie, au problème des sanctions. Puis avec la guerre d'Espagne, il a su attirer Mussolini dans son camp, le recevoir comme... un nabab oriental en 1937 à Berlin. Il faut voir que Mussolini arrive à Munich, de là Hitler vient le chercher, l'emmène dans la Ruhr, le fait visiter les divisions allemandes, la puissance industrielle allemande, et ensuite les deux trains sur deux voies parallèles qui vont jusqu'à Berlin, l'arrivée au Champ de Mai où il va faire un discours qui va l'engager, car Mussolini a un certain sens de l'honneur mafieux, je dirais. C'est-à-dire un peu, quand je me suis engagé avec un copain, je vais jusqu'au bout, il le dit en 37 à au stade olympique, quand un fasciste a un ami, il va avec cet ami jusqu'au bout. Alors revenons sur cette explication que vient de donner Pierre Milza dans cet extrait. Comment se fait donc, Luca Solaï, ce glissement de Mussolini vers Hitler et qui va ultimement conduire à ce fameux pacte de l'acier qui va être signé le 22 mai 1939? Mais comment on en arrive au pacte de l'acier? Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait ce glissement-là? Oui, on a vu en 1935, l'Abyssinie va clairement être un coup très dur aux relations avec la France et la Grande-Bretagne, aussi avec les relations avec l'Union soviétique. 1936, guerre d'Espagne qui va détériorer encore les relations entre l'Italie et l'Union soviétique, qui était très bonne jusqu'à la moitié des années 30. À ce point-là, l'Italie, l'unique clairement allié diplomatique, devient l'Allemagne. Et à ce point-là, les rapports de force sont changés. Hitler a terminé son redressement économique de l'Allemagne. Il commence à pousser clairement son armée. Il commence à investir beaucoup dans la militarisation. Et donc, clairement, devient l'allié plus puissant au niveau économique et militaire. Donc, Mussolini, à partir de ce moment-là, se trouve un peu outré. Il va suivre Hitler avec toutes ses décisions. En 1936, il y a l'axe qui est seulement un Mussolini, même l'appelle une entente cordiale, qui ne prévoit rien de spécifique par rapport aux interventions militaires de l'Allemagne et de l'Italie, mais qui est plutôt une entente, un axe autour de laquelle il pourrait se rassembler tous les autres peuples d'Europe pour maintenir la paix. Ça, c'était la définition. La rhétorique. La rhétorique. Mais après ça, 1938 commence l'unification, l'annexion de l'Allemagne et de l'Autriche. Mussolini accepte ça, chose qu'il n'avait pas acceptée en 1934. En 1938, il y a clairement la crise de la Tchécoslovaquie. Mussolini essaie de médier et fait en sorte qu'Hitler obtienne la partie des Sudètes, qui était la partie de la Tchécoslovaquie, peuplée en majorité d'une population allemande. Mais Mussolini se rend compte là qu'il est toujours en train de suivre Hitler dans sa montée expansionniste et qu'Hitler ne le consulte jamais. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il veut faire un vrai pacte qui prévoit un pacte qui n'est pas un pacte défensif, le pacte d'acier, un pacte plutôt offensif, parce qu'ils disent qu'un pays doit intervenir à côté de l'autre, n'importe dans lesquelles controverses diplomatiques Allemagne ou l'Italie vont avoir avec le reste du monde. Donc même si l'Allemagne même attaque, l'Italie serait obligée d'intervenir en guerre à côté d'elle. Pourquoi Mussolini fait ça? Parce qu'il comprend qu'il était toujours à la traîne d'Hitler, et donc ils disent qu'il faut qu'on stabilise la relation à l'intérieur d'un pacte qui ne donne pas à Hitler le choix de m'aviser, de partager ses décisions avec moi, parce qu'on va être lié à un pacte strict comme ça. Ouais. Tandis qu'il n'aura pas l'effet que Mussolini souhaitait, parce que même dans les autres actions en Pologne, Hitler ne partagera pas ses décisions avec Mussolini, elle va aller à la guerre. C'est ça, clairement, l'invasion de la Pologne va mener au début de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Et entraîner avec lui, évidemment, puisqu'il y a ce pacte formel maintenant, l'Italie fasciste de Mussolini. En réalité, Mussolini se tient à l'écart jusqu'en 1940, ouais, même si le pacte le prévoyait. Mais Hitler était déçu, mais il dissimule bien sa déception parce qu'il fait en sorte d'accepter toutes les justifications que Mussolini lui donnait, parce que l'Italie n'était pas prête à la guerre. Mussolini disait on ne peut pas être prête à la guerre jusqu'en 1942. Ça, c'était le plan de Mussolini. Mais il sera là donc avant 1942, parce qu'à ce point-là, puis c'est l'histoire qu'on connaît finalement, cette alliance entre l'Italie et l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Puis à un certain moment, il se rend bien compte, Mussolini, qu'il a peut-être choisi le mauvais cheval, passez-moi l'expression, mais c'est trop tard. Il est engagé dans cette voie et on connaît l'histoire qui va suivre. Lucas Solaï, doctorant en histoire à l'Université de Montréal, merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.